T'es là. Je me souviens. Cependant, besoin de calme. Je l'attrape par les cheveux et heurte trois bons coups sa tête contre la margelle de l'ancien lavoir. Voilà, c'est mieux. Je descends sa braguette, je sors son sexe, ses testicules et mon couteau de chasse. Extatique, je vais découper une petite tranche. Les feuillants propres. La lala répond à l'illumination émeraude de cette merveilleuse après-midi. Émerge une baguette magique. Ma syntaxe de bois. Pas ma langue. Alors que mon amour s'étouffe, inconscient au ras de l'onde, je découpe bien à la base sa veine, afin de pouvoir, par la suite, enfoncer à l'intérieur ma petite baguette magique. Parfait. C'est bien dur maintenant. J'abaisse son pantalon à ses genoux et retourne mon chéri à plat ventre. Ses fesses en promesse enthousiastes. Je vais pouvoir délivrer l'œuvre sacrificielle en ce lieu féerique de pur de chez pur. Donc, je prends le pénis ensanglanté et devenu raide grâce à ma baguette magique et pénètre avec d'un coup sec son anus au plus profond. Magnifique! Le sang embrasse l'eau et lisse les mousses ensoleillées. Tout est si parfait! La vie est belle. L'amour aussi.